À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a fait parvenir le 4 juillet un message au maréchal Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Le dessinateur a exalté avec le camarade Kim Jong-un et le peuple coréen la vie sublime et les exploits du président Kim Il-sung pour le peuple coréen et les peuples du monde. Il a indiqué que les exploits du président qui a consacré toute sa vie pour le grand développement politique, économique et social de la République populaire démocratique de Corée seront éternels.